Questions qui, je voudrais qu'on réponde d'abord, c'est des questions qui étaient là au début de la conférence, donc c'est des questions peut-être de la semaine passée. Avant de faire ça, il y en a une question que j'aurais, je vais me permettre d'en poser une. Tantôt, tu mentionnais que l'amour intelligent, c'est un amour qui est neutre, c'est-à-dire que c'est de ne pas haïr, puis de prendre tout le monde ou toutes les choses au Non, même ça, c'est niveau. le résultat qui va transparaître vu par un être humain normal. OK. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est ce qui transparaît d'un être humain normal. C'est ce qui va sembler. Un être humain normal, alors, pourrait se poser la question, si je suis célibataire, comment je vais choisir mon conjoint ou ma conjointe, ou est-ce que j'en aurai un, vu que je vais penser que tout le monde est égal? Bon. Parce qu'il y a toujours la grosse, grosse problématique, c'est que l'être humain étant totalement manipulé par des conjonctions astrales qui proviennent du monde de la mort, qui proviennent des phénomènes théologiques, etc. L'être humain est tellement manipulé par des copies de la réalité que lorsqu'on élimine la copie, ben l'humain, il se dit, là, j'ai plus rien. Si tu n'as pas la copie de l'amour, puis que tu as l'amour à la place, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu n'as pas la copie de l'intelligence, l'intellect, mais que tu as l'intelligence à la place, et quand même offert pour penser. L'humain est pogné. Bon, si je suis capable, je peux plus traverser à travers les portes, je peux passer à travers les murs, et quand même offert pour sortir d'ici. L'humain a des questions comme ça quand j'amène des choses neuves de la structure évolutionnaire humaine. Alors, comment on peut, si on est intelligent, et on a un amour qui vibre avec notre intelligence, une intelligence qui a du cœur, est-ce qu'on va premièrement rester avec quelqu'un? Comment on va choisir l'individu, vu qu'on ne peut pas aimer psychologiquement? Autrement dit, vu que tu ne peux pas te faire avoir, comment tu vas faire pour rester avec quelqu'un? La question. Ben, c'est très simple. Quand tu vas pour acheter une automobile, tu aimes peut-être 5, 6, 7 sortes d'automobiles. Tu prends celle qui te va le mieux. Celui qui achète une automobile seulement par goût, il risque d'acheter une automobile qui n'est pas faite pour lui, une automobile qui ne va pas à lui, qui ne répond pas à ses besoins. Qui ne répond pas à ses besoins. Et la majorité des êtres humains choisissent leur concubin, concubine, leur mari, leur femme, surtout par émotivité, parce que par la suite, on apprend à le découvrir. Mais on s'aime avant et qu'on trouve ça beau. Mais quand on se connaît, là, des fois, c'est problématique. Deux portes, quatre portes. Ouais, c'est ça. Hard-top. Alors, comment on choisit l'être humain avec Décapotable. qui? Comment on choisit l'humain avec qui on va rester? On le choisit par intelligence. Si deux êtres humains, que lorsqu'ils s'approchent l'un de l'autre, lorsqu'ils s'associent, pas par le corps physique, par le langage, lorsqu'ils s'associent l'un à l'autre, sont capables de créer une synergie d'évolution, une synergie d'amélioration, bien nécessairement, ils vont rester ensemble, parce que c'est intelligent. Et là, tu vas dire, oui, mais ils s'aiment. Oui, ils s'aiment. Le gars, il aime la femme autant qu'il aime son chien, son serin, puis son arbre. Puis la femme, elle aime le gars autant qu'elle va aimer son pot de terre. Mais ils restent ensemble parce qu'il y a de l'intelligence qui transparaît quand les deux sont ensemble. Ça devient donc intelligent de rester ensemble. Cassons-nous pas la tête. Si l'humain est capable de rester avec quelqu'un d'autre, même quand ça n'a aucun sens, il va être capable quand ça va avoir du sens. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu à ce moment-là de trouver un nouveau mot pour l'amour qui serait un mot nouveau qui déterminerait cet amour-là, qui serait oui, l'amour à un moment donné, on intelligent, va mais. avoir un nouveau mot. Un nouveau mot. OK. Mais pour l'instant, si on met un nouveau mot, puis qu'on essaie de dire ce que c'est que ce nouveau mot-là, il faudrait qu'on le dise, bien, machin chouette, bien, c'est comme l'amour, puis finalement, on revient avec l'amour pour l'instant. L'humain a ben, trop besoin de ce concept De d'amour. comparer. Alors, on continue à parler de l'amour, mais on intelligencie un petit peu. On va entrer dans la période de questions. L'univers, c'est ce qui existe. Que veut dire le mot super-univers? Bon. C'est très simple. L'univers, c'est ce qui existe, c'est-à-dire que l'univers, c'est ce qui a été calculé par nos savants. Maintenant, au-delà des frontières, lorsqu'ils ont calculé, il existe aussi des trous. Et au-delà de ces trous-là, il existe d'autres univers. Alors, quand on parle de super-univers, c'est ce qui englobe plusieurs univers locaux. Nous sommes dans un univers local et nous sommes dans une galaxie de l'univers local. Pendant longtemps, l'humain pensait qu'il y avait la planète Terre et ça finissait là. Alors, il avait nommé les différentes planètes, les différentes étoiles. Il avait appelé ça les cieux parce qu'il pensait que la Lune était attachée à un ciel, qu'il y avait une autre sphère ou qu'elle était accrochée à une autre affaire. Il parlait des cieux. C'est pas les mêmes cieux que le Nazaréen parle. Maintenant, à un moment donné, l'humain s'est rendu compte qu'il ne s'était pas accroché comme ça, qu'il y avait des mouvements qui étaient elliptiques et non pas circulaires. Et on a découvert qu'il y avait d'autres étoiles, que finalement tout n'était pas accroché à la voûte céleste, mais que c'était pas mal plus loin. Et on a arrêté là le monde. Jusqu'au jour où les télescopes ont commencé à traverser le monde et on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres, qu'il y avait des sphères, des milliards d'étoiles qui traînaient quelque part, très localisées avec des petites particules un peu perdues, mais très localisées, des foyers solaires, des foyers d'étoiles, stellaires plutôt. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que possiblement que ce qu'on voyait tout proche, c'était ça, puis qu'on en était dans, un. Alors on a maintenant l'univers est devenu plus grand, il incluait des galaxies. Les radiotélescopes nous permettent d'avoir une idée de la dimension du diamètre de notre univers. Maintenant, on pense que ça finit là, alors on parle donc l'univers, c'est ce qui existe. Donc, si on veut dire l'univers, c'est égal à la création, c'est ce qui existe. Mais le terme univers, astronomiquement parlant, définit simplement les paramètres totaux de notre perception du point de vue de notre état terrien. Juste à ce qu'on ait des microscopes plus puissants. Des microtélescopes pour voir les microbes sur la Lune. Bon. Alors, à un moment donné, on va avoir des appareils encore plus puissants. Et puis, on va aussi l'appareil le plus puissant qu'on va développer, c'est notre sensorialité, en l'occurrence, le transport séraphique. Alors, on va finir par se rendre compte que notre univers, c'est comme une galaxie, c'est-à-dire que c'est limité. Et qu'il y a d'autres sphères de galaxies à l'extérieur, donc d'autres univers. Et que finalement, tout ça est dans un contexte relativement grand. Un univers plus grand, un super univers, puis lui-même est confiné dans un contexte encore plus grand. Et là, on approche des limites de la création. Actuellement, on joue en différé. On n'est jamais en direct. Comment faire pour se rappeler l'avenir? Faut-il soudoyer l'aide contrôle? Bon, on n'arrivera pas à soudoyer l'aide contrôle. Alors, on ne joue qu'en différé. Oui, effectivement, on est mémoriel. Non, ce qu'il faut faire pour se rappeler... Bon, c'est une question, c'est plusieurs questions posées en même temps. L'être humain doit apprendre à être vivant. Il doit apprendre à être instantané. Il y a des techniques qui nous permettent d'arriver, justement, à être instantané. Tout à l'heure, on parlait de travailler aussi pour le pratiquer, c'est-à-dire que ça se pratique. C'est comme le réservoir d'eau, il faut le vider. Il faut vider le tuyau d'eau froide pour que l'eau chaude arrive. Alors, on peut apprendre à être vivant. J'ai déjà fait plusieurs conférences sur l'idée même. Il y a des séminaires aussi que je donne sur l'idée sur la façon d'arriver à être vivant, ce qui donne des feelings, des impressions très intéressantes pour l'ego. Comment faire pour se rappeler l'avenir? Là, on doit devenir un scruteur de l'astral, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à cheminer par voyage astral dans des schémas de futur possibles. Alors, c'est autre chose. Et nécessairement, si on a la faculté de répondre convenablement, de se brancher avec un ajusteur de pensée au canal astral, ou au canal supramental qui détermine déjà les futurs possibles, avec la mathématique de probabilité qui fait que c'est sans doute celui-là qui va arriver, eh bien, on pourra répondre. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut un guide qui va guider le canal ajusteur de pensée. C'est-à-dire que, premièrement, on doit apprendre à contrôler son ajusteur de pensée. Il y a des personnes qui ont fait des séminaires, ils ont un ajusteur qui s'est soudé à eux, ils ont appris à s'en servir un peu. Maintenant, ils doivent le contrôler pour arriver à le brancher là où ils veulent avoir de l'information ou de l'énergie. Maintenant, pour fouiller dans le phénomène astral, si on n'est pas un scruteur astral qui procède par voyage astral pour aller voyager sur les trames des futurs possibles, on doit avoir un intervieweur, c'est-à-dire quelqu'un qui pose des questions de façon à t'accoter, à accoter complètement ton canal de façon à l'enligner là où on doit aller. Alors, ça demande, pour que ce travail puisse se faire, ça demande un travail de groupe avec deux personnes ou plus, un parleur, puis le reste que des questionneurs. Alors, on a des personnes, justement, qui finissent par avoir des contacts avec le plan supramental, mais des contacts qui permettent d'enligner un ajusteur de pensée. Et là, si on en arrive sur la planète Terre, ça va arriver, à réunir ces gens de façon à créer une cellule particulière, et bien on aura les réponses. Alors, si tout est sur notre contrôle, on ne peut pas, ce qui fait que présentement, bien, la personne, si on pourrait répondre à travers plusieurs choses, il y a des moyens, donc... Il y a une autre question ici qui a rapport à ça directement. Tes réponses dépendent plus de l'énergie de l'intervieweur quand il te pose des questions que de l'énergie de la question. Qu'en penses-tu? C'est exact. Pas quand j'ai des questions écrites. Mais quand l'intervieweur me pose des questions, l'intervieweur, bon, j'explique un peu la mécanique. Ça vient un peu à ce que je viens de dire là. L'intervieweur, ce qu'il fait, c'est qu'il ramasse de l'énergie. Tout à l'heure, justement, Charles me disait que pendant un grand bout de temps, il m'a laissé parler parce que chaque fois qu'il y avait une question, je répondais exactement à la question. Alors, il ne posait plus de questions. L'intervieweur doit paramétrer l'ajusteur de pensée. Moi, je fais affaire, si on peut dire, avec plusieurs ajusteurs de pensée. Et ça me donne la possibilité de fouiller dans plusieurs coins en même temps et d'ajuster les réponses. De temps en temps, dans la conférence, je réponds à une question où j'amène une solution à un problème très particulier d'un individu en particulier. Assez que l'individu va penser que j'ai parlé spécialement pour lui, ce qui est vrai. Et lorsqu'on a un intervieweur, l'avantage que ça peut amener, c'est que l'intervieweur a la faculté, selon son énergie, alors dans le cas des deux personnes qui, ces derniers temps, m'interviewent, leur énergie est suffisamment en affinité avec la mienne, elle me plaît, ça me plaît de travailler dans le plan supramental avec eux. Alors, nécessairement, quand ils posent une question, les mots n'ont pas trop d'importance, c'est l'énergie avec laquelle il va la poser. L'énergie est un paramètre supramental, moi je sais où me brancher, mais par contre, avec un peu plus d'énergie, on se branche une région plus spécialisée. Alors, effectivement, c'est pas nécessairement la façon dont on pose, c'est pas la question, mais plutôt l'énergie de la question. C'est pourquoi, avec, j'aime bien tenir les papiers des gens, ça me permet de me brancher aussi plus facilement, c'est-à-dire qu'en prenant le papier où les gens ont écrit leurs questions, ça me donne, la personne devient l'intervieweur, qui me permet aussi de m'enligner pour répondre normalement, plus en affinité avec sa question. Qui es-tu pour répondre à toutes ces questions? Je suis certain qu'il y a bien du monde qui se l'ont déjà posé, moi y compris. Normalement, je réponds que ça me regarde, mais là, je vais répondre quelque chose d'autre. Je suis un bon gars. On a eu un petit bout. Lorsqu'apparaît l'ajusteur de pensée, l'homme n'a plus de pensée, mais du mental. Pourquoi alors dire ajusteur de pensée? Pourquoi pas dire, par exemple, mentalisateur? Parce que l'être humain a toujours de la pensée, sauf que la pensée ne s'exprime plus. Pourquoi? Parce qu'elle est ajustée par l'ajusteur de pensée, qui fait en sorte qu'à travers toutes les conneries de la pensée qui pourraient s'exprimer, l'ajusteur va éliminer tout ce qui n'a rien à voir avec ça. Il va garder des trames de la pensée. Il va placer l'énergie de l'information qu'il veut communiquer. Et l'être humain parle mentalement, donc exprime une énergie mentale ou mentalo-supramentale ou supramentale. Mais l'ajusteur de pensée est venu dans l'ego permettre cet ajustement-là pour que l'humain puisse parler. Alors, il y a donc un ajusteur de pensée. Quand l'être humain a plus besoin d'ajusteur de pensée, c'est qu'il l'a digéré. Alors, à ce niveau-là, on ne parle plus d'ajusteur de pensée, mais l'être humain devient un ajusteur de pensée collectif, c'est-à-dire que là, s'il parle ou s'il écrit, il pourra ajuster le système de pensée d'autrui. Donnes-tu une conférence en direct la semaine prochaine? Oui, ça a été changé. Oui, c'est ça, je vais être ici donc, okay. Avec une nouveauté sur la plateforme, on verra. Si j'ai bien compris, nous avons besoin d'une énergie devant soi pour discuter et monter son énergie. Donc, je ne peux pas faire le jeu de la vie numéro 2 devant un miroir. Est-ce exact? C'est en plein ça, surtout pas devant un miroir, parce que le problème qu'il y a au niveau du jeu de la vie, c'est qu'on doit contrôler son système musculo-oculaire. Et on doit vérifier quand nos yeux quittent une cible. Et dans un miroir, bien, chaque fois que mes yeux regardent ailleurs, bien, lui avec, il regarde ailleurs. Ça fait qu'il ne peut pas me le dire. Puis quand je reviens, bien, je suis convaincu que mes yeux ont resté fixes. On travaille avec quelqu'un d'autre parce que notre ego est tellement pourri puissant. Non, on doit travailler avec quelqu'un, c'est essentiel. Daniel, je n'ai pas peur de ne plus aimer, d'être neutre, mais j'ai peur pour ceux qui m'entourent, ma femme, mes enfants. Comment ne pas en souffrir? C'est évident que si l'individu arrive à aimer, il n'en souffrira pas. C'est une définition même de l'expression de l'amour. Maintenant, il faut faire attention. On ne doit pas jouer le jeu de l'amour intelligent. On ne doit pas jouer l'insensible. Parce que celui qui devient un homme nouveau, un être humain, celui qui n'est plus l'animal humain, garde un système corporel, il garde un système vital. Son système vital devient de plus en plus épais. L'être humain arrive aussi à exprimer son champ d'énergie vitale vers l'extérieur par la négoïsation, ce qui va d'ailleurs engendrer la création de son double éthérique. Et il va vivre de sentiments et non pas d'émotions. Alors, nécessairement, la personne qui veut jouer le bloc de glace, c'est de l'ego, c'est de l'astral. Il ne faut pas tomber dans l'excès, dans l'abus, dans ce sens-là. Tu ne peux pas tomber dans l'excès. Le moindre moment que tu veux jouer le jeu de, tu es dans l'excès. Alors, tu vas essayer de jouer à quoi? À Spock? Tu vas essayer de jouer à Kem, tu vas essayer de jouer à quelque chose, et tu es carrément à côté de ta traque. Ça ne sera pas toi, ça sera non. Pas toi. Non. Qu'est-ce que ça arrive quand on a un amour intelligent? Bien, ça arrive simplement qu'on passe. La seule nuance qu'il y a, c'est que les autres peuvent de moins en moins nous manipuler par le fait qu'ils nous aiment, par le fait qu'on les aime, ça accroche plus. On devient teflon, nous autres, avec, ça colle plus. Et lentement, tu ne souffres pas de la situation familiale, tu ne souffres pas de l'extérieur. Ne pas en souffrir ne veut pas dire que tu es en train, par exemple, de lire ton journal, puis là, ta femme est en train de laver le plafond, puis là, elle lave les meubles, elle lave les fenêtres, puis toi, tu t'en fous, toi, maintenant, tu lèves la maison, tu l'aimes comme elle est. Fait que quand elle fasse le ménage, qu'elle fasse le ménage. Si tu as de l'intelligence, nécessairement, tu exprimeras l'ordre. Pas tu aimeras les choses propres et ordonnées. Non, c'est pas question d'aimer. Tu vas exprimer l'ordre. Et nécessairement, tu vas donc, toi aussi, vibrer le ménage. Ton enfant rentre, puis il rentre dans le moustiquaire, il passe à travers, il s'enfarge, il se pète le nez sur la table de salon. Puis toi, ben, tu l'aimes, tu te déranges plus. Non, c'est pas ça l'amour intelligent. Ça, c'est de l'amour bouddhique. Ou de la connerie astrale jouant le jeu d'eux. T'es intelligent. Le journal est-il plus utile dans la vie, dans le système planétaire? Ben non, parce que là, il y a des fêtes de moustiquaires, les mouches vont rentrer, t'es mieux de te lever et aller parler de moustiquaires dessus. Ouais, ben dans ton cas, peut-être. Mais, alors, si tu es intelligent avec de l'amour, nécessairement, tu vas aller aider l'enfant. Mais tu ne souffriras pas de l'accident. C'est là la nuance. Ça serait donc aussi peut-être plus efficace, dans le sens que tu vas voir pas que... peut-être. Ça va être plus efficace. Mais ça va de soi. Mais l'humain parce que tu ne seras pas nerveux, tu vas réagir d'une façon intelligente. Tout à fait, plate, du point de vue émotif. Mais il y a un sentiment, tu vas être capable d'apprécier tout ce qui est ondoformiquement en relation avec toi. C'est différent de dire tout ce qui est beau. Je ne peux pas dire « Hey, c'est beau! » Par contre, je peux vibrer avec l'onde de forme, avec l'esthétique de la chose. Peut-être que tu ne vibres pas avec, ça dépend de notre constitution. Ça peut te plaire. Mais je ne péjorative pas l'idée, je ne dis pas, je ne l'émotivise pas en disant « c'est beau ». Oh, moi, j'aime pas tellement ça. Mais oui, alors, t'as pas de goût. Ça n'a rien à voir, pantoute, pantoute, pantoute. Moi, je vois une chose, je vibre avec. Toi, tu vas comprendre que je vibre, puis toi, ça ne te regarde pas. Tu ne vibres pas, c'est fini là. Le fait de devenir teflon comme ça, ça ne ferait pas en sorte que les maladies aussi colleraient moins? Parce que vu qu'il y a bien des maladies qui sont... 99,999% des maladies sont d'ordre psychosomatique, commencent dans la psychose et se somatisent par la suite, deviennent corporelles, et donc nécessairement une grande partie. On va dire, oui, mais une maladie bactérienne virale, tu serais moins fatigué, moins stressé, moins vidé, moins malade énergétiquement, les virus, ils ne pourraient pas prendre sur toi. Alors, donc, toutes ces maladies-là le sont aussi. Parlant de maladies, les MTS, est-ce contagieux? Les MTS, c'est contagieux, oui. Oui, ça peut être contagieux, effectivement. On parle nécessairement de martyrs de la transition supramentale. Alors, effectivement, ça peut être contagieux, c'est-à-dire qu'un individu qui devient un MTS va normalement commencer à travailler contre celui qui va l'avoir guidé pendant un laps de temps. Il va parler contre, s'il se sépare, il n'est pas nécessairement un MTS, là, mais il va travailler contre d'autres, il va égoïquement se penser supérieur, et il peut nécessairement communiquer avec ceux qui sont aussi en train de se conscientiser, et les monter contre aussi, et lentement, bien, l'ego finit par se créer une cellule de collectif individuel, et l'ego gagne un poste là-dedans et peut embarquer. Alors, lentement, effectivement, le phénomène du martyr de la transition supramentale, le MTS, pour le différencier de la MTS. Mm-hmm. Le MTS. C'est quelque peu contagieux. OK. Maintenant, c'est un test génial. Parce que lorsque moi, je rencontre quelqu'un qui souffre de MTS de ce genre, ça a beau être contagieux, je suis plus contagieux que lui. Alors, ou bien il me voit comme étant un antibiotique total, alors il se pousse de moi, puis il ne veut pas s'approcher de moi, puis je ne le vois pas. Une canne de raid. Ou bien, lentement, il finit par découvrir qu'effectivement, il y a des moyens de continuer à vivre sur la planète Terre pendant la transition planétaire. Comment savoir si j'ai une initiation solaire? En venant ici ce soir, j'ai failli me tuer, mais je l'ai évité, sans penser, sans... J'ai de la misère à lire, ou... Mes yeux sont pas bons. Et en observant que ma distraction qui aurait pu me tuer était stupide, je me suis dit ensuite, tiens, c'est une initiation solaire. A-t-on une initiation solaire à chaque catastrophe évitée? Y a-t-il des signes pour les reconnaître? Bien, effectivement, à chaque fois qu'il y a une catastrophe qui est évitée, c'est un avertissement, donc c'est solaire, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène intelligent sous-jacent à l'idée même, à ce qui vient de se passer. Sinon, ça n'arrivera pas. Parce que tant qu'à être distrait, on peut éviter un accident, même pas s'en rendre compte, ce qui arrive souvent. Ça, c'est lunaire. C'est que tu n'avais pas, toi, ton plan de vie, tu ne t'amènes pas à avoir un accident. Fait qu'on en évite souvent des accidents, puis on ne le sait même pas. Et le gars qui passe en arrière de toi sur le feu, tout. Ouais, tu ne l'as pas vu, lui. Je n'ai pas vu, c'est en bas. Ouais. Puis, bon, ça va bien. Quand on en prend conscience, etc., c'est un moyen justement de réveiller l'ego, donc d'implanter un peu plus d'intelligence dans la cervelle de l'humain, ce qui fait que nécessairement c'est intéressant. Puis quand l'humain réagit convenablement bien, aucun problème. Est-ce que c'est un avertissement? En réalité, j'ai failli me tuer, c'est faux. On a failli me tuer. Puis en réalité, c'est encore faux. On a fait semblant de faillir me tuer. Est-ce que c'est un avertissement à être plus prudent en général? C'est un test, et quand l'individu en prend conscience de façon intelligente, ça devient une leçon. Et nécessairement, en même temps, ben, c'est une forme d'avertissement. Les gens s'endorment régulièrement dans leur évolution. OK. Explique les mécanismes qui ont prévalu cette programmation que nous avons actuellement plutôt qu'une autre. Bon, on va la placer ici, puis parce que je vais passer la soirée, fait qu'à la fin... Considérant que la femme a besoin d'aimer d'un amour humain pour donner à l'homme du sexe, l'homme doit... Dans cette situation classique, toujours la manipuler, mentir, entre parenthèses, pour avoir ce qu'il a de besoin. Oui, mais c'est parce que ce qu'il a besoin est relié au système hormonal de l'homme, donc ça fait partie de l'évolution lunaire, c'est-à-dire de ce que j'appelle l'évolution de l'animal humain. Lentement, l'homme finit par vivre une mutation par cellularisation de son évolution, et lentement, il a de moins en moins besoin, de moins en moins manipulable par son système endocrinien du point de vue sexuel, et à un moment donné, il n'a plus besoin de relations sexuelles, lui non plus. Il va arriver à un point où peut-être il fera l'amour avec sa femme dans ce sens, dans le même sens que la femme fait l'amour avec lui, c'est-à-dire du point de vue d'une communication énergétique au niveau des sphères astrales, premièrement, vitales et physiques par la suite. La femme, elle aussi, va lentement changer. Elle ne deviendra pas sexuelle. Elle peut être programmée à l'être parce qu'elle veut être normale du point de vue des hommes, là, où elle aurait été guérie par les hommes. Fait que toutes les femmes à la naissance sont malades. Il faut les guérir. Bon. Et la femme, elle aussi, va avoir une évolution qui est une évolution différente, qui va amener à la femme la possibilité d'être capable de supporter ses lacunes psychologiques. Donc, elle n'aura plus besoin de l'homme pour se sécuriser ou encore se donner une énergie qui bien souvent va passer de l'homme à la femme par ce qu'on appelle l'affection. Lorsque la femme parvient à cette stabilité énergétique, elle est donc plus manipulable par le bonhomme, parce qu'elle n'a plus besoin du bonhomme, donc elle ne donnera plus nécessairement son corps physique. Et le bonhomme, quand il évolue, bien, lui avec, à un moment donné, il finit par se détacher de cette forme de martyr planétaire, parce que l'homme est un vrai martyr là-dedans. La femme, elle, la paye énormément, mais le bonhomme, il est pogné en maudit. Et lentement, ben, l'humain, le mâle, finit par plus avoir être pogné comme ça sexuellement, comme les animaux vont l'être. Et il finit par être de plus en plus libéré, c'est-à-dire qu'il aura des relations sexuelles à un moment donné que par intelligence, et que je suis plate. Alors, il va avoir une relation sexuelle seulement pour faire un enfant, à un moment donné. Fait que une ou deux ou trois ou quatre fois par vie. Tant qu'ils ne sont pas immortels, parce qu'une fois immortel, il n'a plus besoin de relations sexuelles, il n'a plus besoin de se reproduire pour se réincarner. Alors, encore une fois, à un moment donné, il y a deux ans, j'expliquais cela. Conférence de sexualité. Mon intervieweur, il a dit, ah ben moi, j'ai pas hâte qu'on en arrive là. C'était aussi la problématique. Moi, je ne l'ai pas dit. Non. C'est que tant que tu es pogné à aimer ça, ben tu n'as pas hâte de plus avoir besoin d'aimer ça, mais c'est ridicule. J'ai pas hâte de plus être sous là. J'aimerais plus l'alcool. Qu'est-ce que c'est ma faire? C'est la même affaire. Tu vas vivre mauditement mieux d'être capable de respecter un corps féminin. Puis, tu n'auras plus besoin de toujours être pogné par ton corps masculin. Oh, tant qu'on est pris avec, on est pris avec. On est pris avec, c'est tout. Si la femme peut arriver à comprendre que le bonhomme est pogné avec, elle va peut-être, de temps en temps, lui payer le luxe un peu plus. Mais le bonhomme, il faudrait qu'il comprenne que la femme, elle est pognée différemment. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de tout ça, primordialement. Puis, le meilleur test qu'on peut faire quand une femme ne comprend pas, ben, tu lui demandes son numéro de téléphone, tu aimerais coucher avec elle. Il l'aura pas tout de suite. Mais si la femme avait demandé un autre téléphone à un gars, le gars va peut-être lui donner mauditement plus facilement. Ouais, alors moi, le gars qui est bien éduqué, là, qui est stéréotypé et programmé, là, mais ça, c'est bien facile à voir. Alors, il y a des nuances majeures entre l'un et l'autre. On a plus de mémoire pour le numéro de téléphone. Oui, c'est ça, le gars a plus de mémoire. Ben. Alors, donc, il y a des nuances. Alors, pour présentement, ben, c'est évident que le bonhomme est pogné, la bonne femme est mal prise, mais au niveau de l'évolution, ces choses-là finissent par se placer. Et une chose intéressante, si vous voulez le savoir, plus l'être humain se conscientise, moins il a besoin de sexe. C'est pourquoi là où il y a la télévision, il y a moins d'enfants. Bon. Et deuxième chose, c'est plus vous allez parler, moins vous allez avoir besoin de relations sexuelles. Ah, t'as pas le temps pour ça. Quand je parle de parler, c'est pas un petit placotage. Parler contre Daniel. Ouais. Ça l'endort. D'obliger, faire le jeu, comme j'ai déjà expliqué, le jeu de l'ajusteur de pensée, où je pose une question, t'en poses une meilleure. J'en pose une meilleure, t'en poses une meilleure. On répond pas, on pose des questions. Et ça, ça te réchauffe un humain, ça le branche énergétiquement. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que lorsque, si on peut arriver à s'arranger avec sa femme ou son mari, ou ses enfants, ou un voisin, ou quelqu'un, pour arriver à dialoguer d'une façon intelligente, devenir des êtres humains, lentement, la problématique du sexe disparaît. Pourquoi? Parce que tu as besoin de plus d'énergie vitale pour transformer ton centre laryngé, qui est transformer ton système cérébral, qui est en train d'établir des contacts et de supporter neuroniquement les contacts avec les plans supramentaux, ce qui nécessairement vient diminuer énormément l'énergie sexuelle vitale, qui reste du point de vue de la muscule, et tu vas chercher de l'énergie dans un autre plan, ce qui fait que la femme va arriver à se sécuriser, le bonhomme va être suffisamment calme et plein d'énergie, ça se fait transitoirement, et à un moment donné, bien, la relation sexuelle, tu finis par te décrire, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, ça fait au moins 2 jours. Et puis, lentement, tu vas dire, ça fait au moins 2 mois. T'as de la mémoire. Puis finalement, c'est ça, tu vas te trouver tout à fait anormal, tu as fait ceci, tu as fait cela. Puis c'est vrai, on devient anormal, on devient naturel. Mais il n'y a pas de danger qu'un des deux membres du couple ne le fasse pas à la même vitesse, cette évolution-là? Oui. C'est le seul danger, c'est plus c'est du côté que de l'homme ne le fasse pas à la même vitesse, mais de toute façon, déjà là, il n'est pas ni avec. Fait que ça n'empirera pas les choses. Donc, la prochaine question, tu lis mes questions. L'amour intelligent peut-il être sexuel? On a répondu. L'amour intelligent n'est pas sexuel, physiquement. Mais j'ai fait une conférence sur la sexualité de l'évolution. Je n'ai fait quelques-unes. Alors, on peut voir, c'est une sexualité qui est énergétique, qui inclut l'enfant, qui inclut le chat. Mais ce n'est pas une sexualité physique. Pourquoi est-ce que ça me tue quand j'entends quelqu'un triper sur sa femme, ses meubles, ses enfants, son char et appeler ça de l'amour? C'est une souffrance mentale d'entendre ça, même si l'humain n'a pas la conscience de ce qu'il dit. Même toi, tu embarques là-dedans. Si te faire entrer dans... Je pense que c'est la suite de la question. Là. Si te faire entrer dans le derrière de ton char ne te dérange pas, est-ce que l'astral peut te toucher par quelque chose qui te dérange, comme tes enfants? En ne te touchant pas toi, mais elle sait que tes enfants, c'est ton point faible. Bon, dans mon cas, non, parce que mes enfants, c'est pas mon point faible, mais dans les cas normaux, oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans un séminaire sur la colère mentale, on explique bien aux gens de quelle façon paramétrer leur entourage de façon à ce que, justement, lorsque l'humain devient un peu trop puissant, qu'il laisse sa marque dans l'astral, l'astral va nécessairement s'organiser pour récupérer les personnes qui sont proches. Normalement, ta femme, ton mari, tes enfants, tes patrons, tes voisins. Puis quand tout ça, ça ne peut pas te récupérer, bien là, c'est que là, tu commences à être un peu plus libéré du point de vue de l'astral. Pourquoi est-ce que ça me tue? Bon, ça ne le tue pas. Quand j'entends quelqu'un triper sur sa femme, ses meubles, ses enfants, son char et appeler ça de l'amour, c'est une souffrance mentale d'entendre ça comme si l'humain n'a même pas la conscience de ce qu'il dit. Même toi, tu embarques là-dedans. Maintenant, il faut faire attention, c'est que la personne ici, elle souffre de MTS. Bon. Alors, et ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas une insulte sur la personne, elle doit observer une chose. J'expliquais à un moment donné en séminaire que l'individu qui arrive dans cette partie de la transition va faire quoi? À un moment donné, par exemple, il a suivi, disons, des séminaires avec moi, prenons l'exemple de quelqu'un qui a suivi ce que j'ai fait. Il arrive en conférence et puis on pose une question. Et moi, j'ajuste la question au public. L'individu qui souffre de MTS va dire, « Voyons donc, il n'est pas aussi haut que je pensais. » Parce que lui, il ne voit pas l'ajustement, parce que celui qui souffre de MTS ne s'ajuste pas. Il aime démolir. Alors, il va dire, mais prenons l'exemple, bon, une personne vient me voir et elle dit, oui, mais Dieu existe quand même. Elle en a besoin. Je me réponds, certainement qu'il existe. Ah, merci. Et là, le MTS, je viens de le perdre. Lui, il va parler contre moi. Kem, prions non, il s'y croit encore à Dieu. Oh, de temps en temps, il dit que, mais c'est pas vrai, je l'ai entendu. OK, là, toi aussi, tu tombes là-dedans. La personne a de la difficulté à s'ajuster. Alors ici, justement, quand quelqu'un tripe, elle tripe sur le tripe, puis là, elle en souffre, elle se démolit. Pourquoi? Parce que les gens ont un concept de l'amour, puis cette personne, elle a un concept de ce que ça devrait être, l'humain. Puis quand elle voit des gens qui ne rentrent pas dans son concept, elle souffre autant qu'eux vont souffrir de voir lui ne pas rentrer dans leur concept à eux autres. Ça devient donc une souffrance MTS, où tu vas justement, bon, te voir les humains triper, avec un T majuscule, bien souvent, on emploie en tout cas, on va lentement finir par augmenter. Il y a des personnes qui ont souffert de MTS à un moment donné, qui venaient me voir et qui disaient « Oui, mais il y a des gens là, qui te prennent pour un dieu. » Ce que je peux leur dire, c'est « Ça te regarde pas, ça. » Alors, pourquoi tu les laisses faire? Ben, effectivement, je pourrais les tuer, mais disons que pour l'instant, j'ai les balles de fusil coûtent cher. Mais non, mais dis-leur! Plus tu le dis, plus qu'ils t'adorent. Alors, moins tu le dis, mieux c'est. Ben, cesse de faire des conférences, d'abord. Pourquoi? Ça me dérange pas. Moi, c'est toi que ça dérange. Moi, cesse de vivre pour que tu te sentes bien. C'est ça, la problématique du MTS. Ah ben oui, mais je vois des gens qui t'arrêtent avec des yeux gros de même. T'es jaloux? Mais non, mais c'est stupide. C'est pas stupide. Mieux vaut regarder un humain qui parle d'intelligence avec des yeux gros de même que regarder un verre de bière avec des yeux gros de même. C'est simplement plus logique. À un moment donné, ils vont se réveiller. Je suis pas le gars qui va les asservir. Mais il y en a qui vont être asservis toute leur vie. Mais c'est leur job. Mais je suis pas dangereux. Qu'ils soient asservis par une plante, par leur maison, par leur femme, le mari ou un prêtre. Il y a du monde, c'est pas dangereux, sa planète. Mais toi, tu as souffert de ça. Tu t'es réveillé à un moment donné. Le gars a trippé aussi. Plus jeune, il a trippé avant. Mais à un moment donné, on se réveille et puis là, on veut tellement lutter contre que finalement, à chaque fois qu'on le voit, puis parce que maintenant, une personne s'ajuste, mais là, on la regarde plus haut, puis là, on se demande, puis on pense que... Et la personne, et si toi aussi, tu embarques là-dedans, mais moi, j'ajuste consciemment parce qu'on doit ajuster consciemment. Et là, Marty, la transition, souvent, ce qu'il va dire, il va dire, « Eh non, non, ça va bien plus vite, on prendrait une masque, schnack! » Ouais, tu prends une masque, puis schnack, tiens, il est mort, lui, t'es pas assez solide. Hein? Ah ouais, schnack, tiens, il est mort, lui, t'es pas assez solide. Et là, ce que lui, il sait pas, c'est que si moi, je vais le voir, puis je prends une masque, schnack, moi, tiens, il est mort, t'es pas assez solide, lui, avec. Ma masque est moins plus importante que la sienne. Alors, ceux qui sont en haut s'ajustent à lui, mais lui, il peut pas s'ajuster à ceux qui sont en bas. Parce qu'on pense toujours, quand on est MTS, à un moment donné, on peut penser, on peut se faire avoir, ou nous autres, on est rendus. Au lieu de cela, tu mets des informations intelligentes, tu mets des ajustements, puis tu ne souffres pas de voir les gens. J'expliquais souvent à la personne, elle découvre la manipulation au préliminaire. Là, après l'autobus, elle s'en va chez elle, elle s'assoit. Puis là, il faut juste la manipulation de l'autobus. Là, là, le monde, là, ça n'a plus d'allure pantoute. Là, quand elle revient, elle regrette d'avoir fait le séminaire. Puis après ça, elle me dit, bien oui, mais faudrait que les gens changent. Faudrait le dire. Faut. Non, c'est toi qui es manipulé. Tu souffres de voir les autres ne pas souffrir. La personne est manipulée, t'es bien là-dedans. Toi, ça te fait chier. Toi, tu ne tripes pas sur ce que t'as. C'est correct. Mais il y a encore la manipulation d'une partie de ton ego qui te rend coupable. Puis là, tu vois les gens triper, puis finalement, les gens tripants ne souffrent pas autant que toi. Ils ont des souffrances inconscientes. C'est pas pareil. C'est pas la même souffrance que la souffrance mentale de celui qui transite. Puis toi, ça te fait vibrer d'une façon relativement récupératrice du point de vue astral. On parle encore de MTS. Les individus tripent sur n'importe quoi. Il y a des animaux humains, c'est pas péjoratif, mais les autres, ils vivent de la structure typique du troupeau, c'est grégaire, comme les animaux. Il y en a d'autres qui sont des humains, c'est déjà beaucoup plus avancé, mais c'est quand même assez rare sur la planète Terre. Puis on a quelques êtres humains qui sont encore plus libérés. Mais on ne doit pas commencer à souffrir de parce que c'est, la personne, elle est collective aussi, parce que finalement, moi, quand je vois un chat licher la chatte, j'en souffre pas. Mais si le MTS n'en souffrira pas non plus, ouais, mais c'est un chat. Et quand il voit un humain, parce qu'il est encore collectif, il veut pas, lui, être dans la collectivité de gang-là. Alors, il souffre en maudit de voir la gang pas être, selon lui, convenable. Et quand tu deviens réellement individuel, tu es comme tu es. Si tu veux qu'on parle, m'a parlé. Puis, fais attention aux questions que tu vas poser. Si tu veux pas que je te réponde, pose-la pas. Mais j'irai pas te chercher, puis commencer à te dire ci, puis ça, puis oui, donc, puis... pas de temps à perdre. Comment Bernard de Montréal peut-il avoir un ego et un contact supplémentaire? Habituellement, premièrement, Bernard de Montréal, vu qu'il est encore vivant, j'aime autant pas parler de lui. Une chose certaine, c'est que la majorité des gens qui regardent une personne qui est en contact supramental vont projeter leur ego dans l'individu. Le maître Orgion serait-il un Mahakona à la tête de plus de 300 maîtres incarnés sur la planète? Un paquet de questions. Quelle différence y a-t-il entre les maîtres invisibles de la hiérarchie et ceux qui travaillent sur Terre dans un corps physique? Il y en a trois paires. Le maître Orion serait un Mahakohan de la tête, à la tête de plus de 300 maîtres incarnés sur la planète. Quelle différence y a-t-il entre les maîtres invisibles de la hiérarchie et ceux qui travaillent sur Terre dans un corps physique? Est-ce la même chose que Shambhala dont tu as déjà parlé? Bon, premièrement, bon, je vais lire le reste. La personne doit encore continuer à répliquer, mais une chose qui est certaine, c'est que le maître Orion n'a pas la puissance. Il n'a pas la puissance qu'il se donne, il n'est pas ce que l'ésotérisme va prescrire. C'est un leurre astral. Est-ce la même chose que Shambhala? C'est pas la même chose que Shambhala, c'est quelque chose de néotypal qui provient de vieilles traditions archétypales. Shambhala est une force d'involution présentement, même si elle était évolutionnaire pendant quelques milliers d'années. Orion serait-il en charge de résorber un des 12 faisceaux? Non. Est-ce que les 12 êtres en charge de résorber les 12 faisceaux viennent de 12 systèmes solaires différents? Oui. 12 systèmes de soleil. Fais-nous un portrait global de tous ceux qui travaillent présentement avec la race humaine. Bon, c'est intéressant. OK, c'est bien. Fais-nous un portrait global de tous ceux qui travaillent présentement avec la race humaine, les maîtres invisibles, les maîtres incarnés, les antennes supramentales, les extraterrestres. Oui, ça me tente énormément. On va quand même répondre aux autres questions, mais après ça, on reviendra vers les deux. Mais à un moment donné, on fera une conférence là-dessus. L'amour intelligent permet-il une relation privilégiée avec quelqu'un, incluant confiance, intimité, amitié? Absolument. Mais on ne fume plus. T'es dole. Plus de sexe, plus de cigarettes. Plus de boisson. Mais tu peux sacrer tant que tu veux, ça ne dérange rien. Voilà que j'apprenne à sacrer. À quoi peut-on reconnaître la formation d'un double éthérique? À notre contact supramental, donc à la capacité d'amener des choses neuves, absolument brillantes sur le plan planétaire, à notre capacité aussi d'avoir accès à de l'information utile quand on en a besoin, à notre capacité aussi d'être capable de comprendre instantanément des choses neuves amenées par quelqu'un d'autre au niveau du plan supramental, au fait qu'on devient stérile si on a un double éthérique suffisamment avancé, on est donc nécessairement immortel, donc on n'a plus besoin de procréer pour se réincarner, au fait qu'on a une parole hyper ajustée, hyper mentale, au fait qu'on n'a plus besoin de sommeil, au fait qu'on n'a plus besoin de manger. Bon. Comment vivre d'une intelligence qui a du cœur lorsque... vous avez fait le vide autour de vous, sinon d'aller à la recherche d'autrui? Non, on n'a pas besoin, on peut aimer le vide fait partie du reste. Que fait-on lorsque l'on a un contact avec l'esprit, si ce contact est intermittent? Peut-on avoir ce contact par le rêve ou est-ce avec l'ajusteur de pensée? Expliquez-moi la différence. Le contact par le rêve va exister seulement dans un cauchemar, puis c'est dans le but d'en égoïser l'être humain, puis c'est pas ce qu'il y a de mieux comme contact avec un ajusteur de pensée pendant le rêve. Alors, que fait-on lorsque l'on a un contact avec l'esprit, donc justement le phénomène supramental, si ce contact est intermittent? On doit pratiquer. Alors, la personne, si elle a fait le séminaire sur les jeux de la vie, alors elle sait un peu quoi pratiquer. Sinon, à un moment donné, il faudra que la question soit posée un peu plus clairement pour que je réponde. Ou bien non, la personne fera le séminaire à un moment donné. Peut-on avoir un contact par le rêve? Oui, mais je répète, seulement en cauchemar, et c'est très cauchemardant. L'ajusteur de pensée, expliquez-moi la différence. L'ajusteur de pensée, lorsque l'être humain est réveillé, lorsque l'être humain parle et qu'il est totalement vivant dans son corps physique, donc il a la conscience de sa présence, pas une conscience mémorielle où il sait qu'il est là parce qu'il sait qu'il a été là. Une conscience instantanée, une conscience qui fait qu'instantanément, mais on peut l'apprendre, mais ce n'est pas par apprentissage, On demande à un être humain comment ça va, puis il te répond, ça va bien. Il vient de se débouler les escaliers, présentement ça va bien, il répond dans l'instantané. Alors, l'être humain qui répond dans l'instantané a nécessairement un ajusteur de pensée, et lorsque l'être humain parle, il entend ce qu'il dit par ses oreilles. Il a donc un ajusteur de pensée, il est vivant, conscient. Celui qui n'entend pas ce qu'il dit, ah, il vient de dire une connerie, là, hein, oui, ah bon, celui qui n'entend pas ce qu'il dit est mort. Donc, c'est-à-dire qu'il est mémoriel, il n'est pas instantanément présent dans son corps physique, ni dans sa vie, il la connaît seulement par le biais de son système de mémorisation très coloré par l'astral qui mémorise seulement ce qui lui plaît, de façon à entretenir la personnalité fausse de l'ego. Alors, l'individu qui est un ajusteur de pensée le sait réellement. Tandis que pendant le rêve, on est manipulable totalement par les plans astraux, c'est-à-dire que le rêve, c'est un voyage astral. Dans le monde de la mort, on peut intégrer des sphères astrales qui peuvent justement être travaillées par ton ajusteur de pensée. Et là, on va te cauchemarder l'affaire, c'est-à-dire qu'on t'amène des visions neuves et claires de quelque chose. Mais quand tu es réveillé, tu ne comprends pas. Endormi, tu comprends encore moins. L'astral prend plus de force parce qu'il n'y a même plus la limitation du corps physique dans le monde de la mort. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'on t'amène des structures neuves tellement dangereuses pour l'ego que ça, l'ego te déforme ça, puis finalement, l'ego transpose, et là, ça devient un cauchemar majeur qui peut t'initier lentement, mais il y a moyen de fonctionner mieux que ça. Plus rapidement, plus efficacement, en étant réveillé qu'en faisant un rêve. Ouais. Y a-t-il d'autres mondes à part nous? D'autres. Oui, il y a d'autres mondes à part nous, mais il n'y a aucun autre monde qui ressemble à nous. Tu dis qu'il n'y a pas d'amour intelligent parce que c'est égoïque. Est-il alors plus intelligent de rester seul si on en est capable? Ou bien, si tu rencontres quelqu'un, homme ou femme, y a-t-il moyen de mettre de l'intelligence dans cette relation? Si oui, comment? Bon, il n'y a aucun moyen de mettre de l'intelligence dans une relation. Et l'intelligence doit transparaître de la relation. On ne peut pas en mettre. Ça devient encore des compromis, des promesses de con. Maintenant, quand une personne est seule, qu'elle est bien seule, qu'elle se casse pas la tête, qu'elle continue à être seule, ça fait déjà un enclume de moins. Et puis, à un moment donné, elle rencontrera possiblement par vibration intelligente quelqu'un avec qui elle s'associera. S'associera pour continuer la vie. C'est plus un partner qu'un... C'est un associé. Tu sépares le loyer ou tu le payes ensemble, peu importe. C'est comme une affaire, c'est comme une business en réalité. C'est la même chose. C'est pas comme une affaire, comme une business, c'est le même mot. C'est comme une affaire. Effectivement, et puis on s'associe, ce qui fait que si ton automobile a un problème, je te prête la mienne, on est en affaire, on veut que l'affaire marche. Dans une famille, c'est une question d'affaires aussi. Quand tu es malade, eh bien, je te donne un coup de pouce, etc. Il y a une entraide qui n'est pas un collectiviste. Par association, par déterminisme mental, c'est logique, on s'associe. Alors nécessairement, on s'enligne dans un contrat particulier qu'on va respecter. Tu as déjà dit qu'on s'incarne habituellement dans les mêmes lignées familiales. Comment expliquer alors qu'il y a tellement de différences entre les membres d'une même famille? Par exemple, la personne qui écrit ici dit que dans ma famille, je suis le seul qui consciemment s'intéresse à son évolution. Pour la simple raison que les facteurs génétiques de récessifs à travers les lignées familiales finissent par devenir dominants dans certains enfants. Et donc, devenant dominant dans certains enfants, celui-ci s'intéresse à ceci, l'autre fera telle autre chose. Lui aura les cheveux bleus alors que tout le monde aura les cheveux bleus, les yeux bleus alors que tout le monde aura eu. Vous voyez, quand on s'écoute, c'est intéressant, on passe moins pour un con. Et il y aura des nuances et finalement, ben, on a une chose qu'il faut qu'on retienne, c'est que nos lignées familiales, nous autres, sont réparties dans le temps à travers des milliards d'individus. Bon, finalement, à travers les mutations génétiques, les caractères dominants finissent par apparaître et puis l'être humain ben, a des connotations différentes du reste de la famille. Surtout que dans une famille de 5 enfants, bien, il y en a un qui descend de lignée familiale qui provient de 1 million d'humains par là-bas. L'autre, lui, c'est un mélange qui s'est passé, puis là, 3000 ans, puis ça ne marche pas. Aujourd'hui, là, c'est tellement mélangé que c'est intéressant, on devient planétaire. Alors, c'est bien. La question ici, je pense que la personne n'était pas à la conférence de vendredi passé, parce qu'on parlait de libre arbitre. Lorsque l'on choisit de vivre avec une autre qui n'est pas sur la même fréquence ou longueur d'onde, comment accepter ce libre choix, aimer intelligemment comme moi? Bon, premièrement, on ne choisit pas de vivre avec une autre qui n'est pas sur la même fréquence ou longueur d'onde. Comment accepter ce libre choix? C'est pas un libre choix, c'est une manipulation totale. Et aimer intelligemment comme moi. Bon. Là encore, il faut voir qu'est-ce que la personne entend comme par aimer intelligemment. Et une chose qui est certaine, c'est que si on aime intelligemment, on ne souffre pas. Alors moi, j'aime intelligemment, par exemple, ma femme, et puis on n'est absolument pas sur la même longueur d'onde, et puis je pense avoir fait un libre choix de rester avec elle. Si je suis investi d'amour intelligent, je reste avec, je suis un stupide. Sinon, ben, je fais simplement, je me sépare d'avec elle, et puis je m'en vais vivre ailleurs. L'être humain est toujours confiné au niveau d'intelligence, et là, il faut faire attention. Ce que je dis là est dangereux. Donc, à oublier. L'être humain est toujours confiné à agir. Je suis en train d'oublier d'ailleurs. C'est dangereux, c'est intéressant. C'est le cave en haut. L'être humain est toujours confiné à vivre à partir de certaines choses. Et il ne peut pas arriver à se laisser manipuler par des solutions logiques, simples, non souffrantes et efficaces. L'être humain qui s'associe ensemble ne peut pas se séparer. De toute façon, je l'ai perdu. L'être humain qui s'associe ensemble ne peut pas se séparer parce qu'il est émotivement attaché. Hein? J'ai déjà expliqué que ça créait une sphère astrale qui faisait en sorte que les deux êtres humains devenaient un au niveau des contextes nourriciers du monde de la mort. L'être humain qui vit d'une intelligence qui a du cœur, eh bien, lorsque ça ne va vraiment plus, eh bien, simplement, il fait ses bagages puis il s'en va. Et c'est tellement simple. L'autre va souffrir une semaine ou deux, là. Peut-être qu'il va se suicider. De toute façon, c'est réglé comme problème. Puis il s'en va. Et là, on va dire, oui, mais l'intelligence qui a du cœur, il n'y a pas de cœur, parce que finalement, il fait souffrir l'autre. C'est l'autre qui décide de souffrir. L'autre, il est manipulé par son plan de vie, par son système réincarnationnel, par sa structure évolutive, par sa génétique. Il est manipulé par ce qu'il est. Alors, toi, tu décides que t'en as marre. L'être humain qui est toujours obligé de faire des efforts pour améliorer une situation, cette situation-là ne lui appartient pas. Il y a les deux pieds là où il ne doit pas être. C'est simple. Alors là, on revient à ce qui est dangereux. On doit toujours faire les choses simplement et facilement. Facilement ne veut pas dire sans travail. Facilement veut dire sans guerre. Quand ça ne peut pas marcher, ça ne sert à rien de vouloir que ça marche au nom de n'importe quel concept idiot du monde de la mort. Ça ne marche pas. C'est plus simple. Oui, mais les enfants, c'est ça. Continuez à vous massacrer au nom des enfants, puis demandez-leur s'ils sont mieux. Alors, massacrer les enfants au nom des enfants en se massacrant au nom des enfants, au nom de concepts. La meilleure chose, c'est encore de se séparer. Les enfants, bien, on les sépare. Quand tu n'as rien qu'un, c'est compliqué. Mais là, ils se promènent d'un bord à l'autre. C'est mieux que de rester ensemble. L'enfant qui doit passer la fin de semaine avec sa mère ou avec son père ou un bout de terre, ou etc., c'est beaucoup plus sécurisant pour lui que de rentrer dans la maison. À un moment donné, j'ai connu un jeune, ses parents se chicanaient souvent, puis quand j'allais chez lui, bien, il me faisait attendre dehors. Il rentrait en dedans par la fenêtre, il pouvait déborder. Il n'y avait pas quelle raison. Il allait voir si ça ne chicanait pas en dedans avant de me faire rentrer. Finalement, tu restes avec ton père ou bien non, tu restes avec ta mère. Mais Christy, tes chums, t'es fait rentrer, elle ne peut pas chicaner tout seul, elle. Ouais. Bon, ou lui. Et puis, tu dors mieux, puis tu n'as pas peur qu'ils se séparent quand ils sont séparés. Ça élimine immensément de stress. Le problème est arrivé. Puis en réalité, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les problèmes qui sont vécus par un individu sont. C'est lui le seul qui va déterminer à quel point ça l'abîme ou ça ne l'abîme pas. Ce n'est pas le père ou la mère qui va savoir à quel point exactement ça va affecter l'enfant. C'est l'enfant qui va décider si ça l'affecte ou pas. Celui qui souffre, c'est lui qui souffre. Puis c'est lui qui veut souffrir. Puis c'est son plan de vie de souffrir. C'est sa forme de manipulation. Le marteau brise le cristal, mais il forge l'acier. Ça ne veut pas dire que tu dois torturer les gens. Mais ça veut dire que toi, quand il y a de l'inintelligence autour puis que tu es suffisamment conscient pour voir, bien, à un moment donné, tu fais une décision. Tu ne demandes pas l'opinion de l'autre. Si on se séparait, là, c'est plus de l'intelligence. C'est encore pogné dans la structure où ce que ça ne fonctionne pas. Alors, quand une personne vit avec un être humain, qu'elle aime d'amour intelligent ou pas, s'il n'y a pas... Oh, bien, c'est sûr que si moi, je fais du ski, elle fait du jogging, mais on ne chicane pas, on vit dans la même cabane, mais on a l'impression d'être deux planètes différentes, il n'y a aucun problème. Parce que là, on est pris avec le concept qu'on devrait avoir des affinités. Bon, moi, Christy, moi, je me lève, je mange, je fais sa vaisselle, je fais la mienne, on fait, tu sais, j'ai le bonheur parfait, mais on ne se connaît pas. Ça change quoi? C'est parfait, c'est impeccable. Mieux vaut vivre avec quelqu'un dans le bonheur parfait, même si tu ne connais pas, que de vivre avec quelqu'un que tu connais dans le malheur total. La mère de Jésus était sûrement d'une intelligence très, très supérieure. Est-ce vrai? Non, la mère de Jésus n'était pas d'une intelligence très, très supérieure. Bon, nécessairement, on pose une question ici. J'étais interviewé par un théologien, puis les questions qu'il posait, c'était pour voir si j'étais pour être hérétique. Alors, c'est un peu le genre, la mère de Jésus était sûrement d'une intelligence très, très supérieure, est-ce vrai? C'est assez complexe, c'était sûrement d'une intelligence très, très supérieure, est-ce vrai? C'est assez piégé. Non, la mère de Jésus n'était pas investie de l'intelligence très, très supérieure, parce que quand quand Jésus commençait à se christifier, vers l'âge de 10-11 ans, eh bien, elle n'aurait pas commencé à y chercher, puis à y poser des questions, puis elle bouffait encore, puis en tout cas, ça n'a pas été un cadeau. Et puis, tout au long de sa vie, Marie était tout à fait inférieure génétiquement, c'était parfait pour permettre une transposition. Marie, ce qu'elle avait de génial, c'était qu'elle était anégoïque. Ce n'était pas une question d'intelligence, c'est une question de pureté de l'âme. C'est pas pareil. Et Marie, même en dernier, elle recherchait son fils. Marie-Madeleine était plus intelligente que Marie. Bon, Lazare était plus intelligent, ses apôtres étaient plus intelligents. Joseph non plus, Joseph, c'était un homme pur, mais c'était pas... Un gars intelligent, tu sais, qui vient voir le prêtre et le prêtre de la secte nazaréenne, puis qui lui dit, « Mais Marie, là, est enceinte. » Fait que là, je la répudie, je fais quoi? Il faut qu'un ange vienne se matérialiser d'en face pour lui dire, « Hey, le câble, c'est ce qu'on te dit avant, c'est vrai. Tu ne dis pas, laisse-la. » Bon. Et puis après ça, Marie puis Joseph qui ont peur qu'on tue l'enfant, alors que c'est le nazaréen, c'est pas de l'intelligence qui les habite. C'est de la haute spiritualité. Marie avait un âme pur, ce qui permettait, et Joseph avec, même si Joseph n'a plus grand-chose à faire, n'empêche, pour l'éduquer, ça permettait à un phénomène supramental de traverser les cellules de Marie pour engendrer un enfant qui ne serait pas trop entaché de l'ego humain traditionnel des lignées familiales de Marie. Ce n'était pas de l'intelligence. Le nazaréen était intelligent, c'était autre chose. Depuis quelque temps, tu nous demandes de faire un choix sur la fraternité. Pour faire un choix, il faut savoir ce que ça implique et y réfléchir. Comment pouvons-nous faire un choix? On ne sait pas encore ce que ça implique véritablement. Bon, premièrement, ça ne me regarde pas, étant donné que la fraternité, j'ai ma carte de membre, ça finit là, donc on pose la question à la direction de la fraternité. Mais une chose certaine, c'est que d'ici à fin août, début septembre, il y aura justement toute la proposition qui sera atterrie et qui sera suggérée, puis c'est là que les gens devront faire le choix. Alors, la fraternité, elle a été structurée en fonction d'une période de probatoire de 4 mois. Ça approche de la fin. Et c'est par la suite, on a, vous aurez, moi, j'ai dans les cours sur les clés du contrôle, etc., donc la personne, elle pose la question en fonction de ça, j'ai donné suffisamment de données pour rendre problématique la survie de la fraternité, c'est-à-dire que les gens ont suffisamment maintenant d'intelligence pour pouvoir faire un choix d'intelligence, de refus ou d'acceptation, mais ils vont être plus lucides. Et puis, donc, d'ici quelques temps, la fraternité va atterrir le projet lui-même et qu'est-ce que ça demande, qu'est-ce que ça nécessite, puis qu'est-ce qu'il faut faire. Si les gens n'acceptent pas ça, dans 2 ans, on reverra. Alors, les personnes pourront donc faire un choix simple, logique, efficace, mental, sans problème, en tant que vie. L'ego se démène pour obtenir du bonheur. Celui qui est intelligent et qui se font du bonheur, qu'est-ce qui l'anime? Pourquoi se dépenser? Dans quel but vivre? Bon, plusieurs questions en même temps. Beaucoup. En même temps, il y a des cris. L'ego se démène pour obtenir du bonheur. Ça va de soi. Maintenant, le bonheur est une farce, une attrape égo. Celui qui est intelligent et qui se font du bonheur, qu'est-ce qui l'anime? On ne se fait pas de bonheur. Quand on est intelligent, on ne peut pas être heureux. Quand l'être humain devient intelligent, plus heureux. T'es quoi? T'es au-delà. T'es plus qu'heureux ou moins qu'heureux? T'es pas plus qu'heureux, t'es pas heureux. Le bonheur, ça s'adresse à l'humain. C'est un leurre temporel qui l'anime. Il grignote le biscuit, c'est le bonheur. Il y a un problème, le biscuit est toujours une limitation, à un moment donné, il n'a plus. Ben là, tu cherches le bonheur. Mais t'es pas malheureux. T'es pas malheureux parce que t'es pas heureux. Celui qui est malheureux est nécessairement heureux. C'est un privilège du bonheur que de connaître le malheur. Différence de potentiel oblige. Tandis que celui qui est intelligent, il n'y a absolument aucun bonheur, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a plus de dualité. Aucune dualité. Il est carrément au-delà de cette structure-là. Quand on veut l'expliquer, les gens ont de la difficulté à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mots réels pour l'expliquer. Il y a des mots qu'on peut mettre, que seul va comprendre celui qui le vit, franchement. Il n'y a pas d'antonyme, il y a une neutralité totale. Puis quand on parle de neutralité, le terme est faux, parce que neutralité pourrait vouloir dire que ça ne te touche pas. Mais ça ne te touche pas du point de vue émotif. Ça te touche du point de vue de l'intelligence. Voir une pollution planétaire, ça me dérange. Je n'en souffre pas. Mais je vais m'organiser à un moment donné pour obliger des gens à faire de quoi? Bon, on va pilonner l'astral suffisamment pour que les gens commencent à penser. Mais ça, je n'en souffre pas. Si la Terre devait être tout goudronneux, j'en souffrirais pas plus. Je vais continuer à trouver ce con à maudit, mais j'en souffrirais pas. Alors, je suis pas neutre dans le sens « assis sur ta chaise et t'attends que l'inutile se passe ». C'est pas ça, neutre. Alors, quand on parle de neutre, moi, j'ai travaillé pour Urgence Santé. Il y a des gens que j'ai sauvés et ça ne me touchait pas. Quand ils mouraient, le soleil était toujours dehors. Puis quand on les sauvait, on les sauvait. Et c'était logique de faire le maximum pour les sauver, parce que ça demande moins d'énergie à la planète Terre, à travailler pour le ranimer, qu'à le rebâtir. Quel mot conviendrait mieux que neutralité pour expliquer ce phénomène-là? Intelligence. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'anime? On n'a plus besoin d'être animé. Animé vient du mot âme, ça fait partie de l'initiation lunaire, qui oblige le corps à être animé de façon à devoir vivre des stimuli de désillusion, illusion, désillusion, bonheur, malheur, la vie sinusoïdale de l'initiation lunaire, et ça permet des sécrétions hormonales qui renforcent ce corps physique à la longue, transmis génération en génération, engendre des corps physiques à système endocrinien et neuronique suffisamment puissant pour supporter un contact avec de l'intelligence, démolir l'ego, purifier l'âme, donc anégoïser, créer le double éthérique, engendrer le phénomène de l'immortalité, le corps de lumière et un paquet de bebelles. Bon. Alors, qu'est-ce qui l'anime? Rien, parce que celui qui vit d'intelligence supramentale, disons, coronarisée avec le phénomène bouddhique, que du corps, bon, eh bien, j'ai plus besoin d'être animé. Tu fais une chose parce que c'est intelligent de la faire, pas parce que ça te plaît. C'est simplement logique. Tu arroses tes plantes parce que les plantes, ils vont mourir. T'sais, c'est simplement logique. T'aimes-tu tes plantes? Ben, je les aime, oui. Puis là, si tu les aimes comment? Ben là, ben justement, arrête là. Ben, je les aime comment? Je les aime comme mon pot de fleurs, mon pot en vide, comme la fenêtre, comme les nuages. Là, on va dire t'es flyé. Ben, c'est ça. Pourquoi se dépenser? On n'a pas le choix. Maintenant, se dépenser pour être heureux, c'est ridicule. Parce que le bonheur, vous ne l'aurez jamais, le bonheur. Le bonheur, c'est une carotte qu'on met en avant de l'ego, de notre ego, attachée par un bâton, le bâton est attaché sur votre tête. Hein? Alors, tu vois la carotte, ah! Tu ne peux pas la prendre trop loin. Fait que tu avances avec, c'est attaché sur ta tête. C'est ça, le bonheur. De temps en temps, à force d'avancer, elle se promène, tu arrives à la poignée. Ça remonte un petit bout. Ah, oh, bonheur! Après ça, malheur total, c'est plus loin que jamais. Puis là, ben là, tu avances, les bâtons. Fait que tu avances, puis avances en même temps que toi. C'est ça le bonheur. À force de manger, il n'en reste plus? Ben, il n'en reste plus. Disons que la carotte, elle est grosse, mais non, elle pousse, là, parce que ouais. Le bonheur, on peut le. Tu sais, il y a en masse de marchands de carottes, hein. On en attache d'autres, on met d'autres bonheurs. À un moment donné, c'est ton char qui part d'avant ici, tu sais. Bon, c'est ta femme, ton mari, ton bateau, ton voyage. Bon, ça c'est la carotte. Alors pourquoi se dépenser, se démener pour aller ramasser la carotte qui est attachée après un bâton? Oh, il y a des rusés qui vont me poser la question, c'est pas là, est-ce qu'on peut détacher le bâton puis amener? Oui, ok, oui, quand tu auras bouffé la carotte, il n'y aura plus rien pantou. Bon, autant la laisser en avant, au moins pour l'ego, c'est plaisant. Dans quel but vivre? On doit vivre, je l'ai expliqué, parce qu'on est la solution au phénomène créationnel qui est un accident. Dans quel but, quel est le but qu'on peut donner pour vivre? Une chose certaine, c'est que tuez-vous, suicidez-vous, puis on va vous revomir sur la planète Terre. Vous allez renaître. Dans quel but vivre? Pas nécessaire d'avoir un but. Il y a une raison, il y a une fonction. Mais du point de vue de l'ego, il n'y a pas un but à atteindre. Quand tu atteins un but du point de vue égoïque, il n'y a plus de but. Finalement, ça ne vaut pas la peine d'avoir un but en avant, à moins qu'on l'attache après nous autres et qu'on ne peut jamais le pogner. Là, c'est intéressant. Là, on peut vivre longtemps. Sinon, quand tu l'as atteint, il n'y a plus de but en avant, on recommence. Par contre, il y a une raison d'être. Une chose certaine, c'est que tant qu'à être pris à vivre, eh bien, on va faire une chose. On peut laisser, on instruit son ego, bon, par des conférences, par des séminaires, par des livres, par des émissions de télévision, par des cours. C'est bon. C'est bon. Tant qu'à être pogné à vivre, si on se suicide, certains vont dire, ouais, mais il n'y a rien qui prouve que. Non, effectivement. Mais ça vient au monde régulièrement. Fait que, d'où ça vient? Ça vient de quelque part. L'humain fait ce qu'il veut faire. Chose certaine, c'est qu'il n'y aura pas le choix. Puis tant qu'à ne pas avoir le choix, tant qu'à être dans un corps physique sur un plan planétaire présentement, la meilleure chose qui reste à faire, c'est de tout faire pour comprendre. Pas se suicider, pas oblitérer notre pensée par l'alcool, la musique, la boisson, le trop de sexe ou un paquet de conneries, mais tant qu'à être pogné là, bien autant tout faire pour comprendre. On entretient son corps physique au maximum, de façon à donner à notre cerveau suffisamment de structures énergétiques, soit au niveau hydrogène, oxygène, dextrose. On entretient notre système endocrinien, on s'entretient complètement, on apprend, puis on se démerde pour comprendre. Puis la journée qu'on va comprendre, on va avoir les réponses. C'est plus simple. Parce que quand on dit à quoi ça sert de vivre, bien moi je sais à quoi ça sert de vivre, mais quand j'explique à l'humain, il se voit tellement gros de même que finalement, le reste au complet, ça n'intéresse pas. Il a l'impression de travailler pour quelqu'un d'autre. On entend des fois des personnes qui disent que pendant qu'on est sur la Terre, tout ce qu'on fait, on doit fermer des cercles. C'est-à-dire que si on entreprend une mission, on doit l'amener jusqu'au bout parce que sinon, on se fera réincarner et on la terminera. Bon, chose certaine, c'est que l'humain sur le plan planétaire ne devra jamais accepter une mission. Jamais. Les missionnaires, ceux qui acceptent des missions, sont missionnés par le monde de la mort, le monde astral, le ciel. Et tous ceux qui acceptent des missions deviennent des martyrs, mais même pas de l'évolution, des martyrs de l'humanité, des martyrs du monde de la mort. Ils deviennent simplement une source de nutrition impeccable pour une partie du monde de la mort, d'un dieu, d'un archange, d'un ange, d'un phénomène mémoriel. Et l'être humain qui se missionne devient l'esclave soumis total, puis inconditionnel. L'humain qui se missionne n'a même pas besoin de conscience. On le manipule dans sa tête, puis on dit tout ce qu'il doit faire, puis il est tout content, il n'a même pas besoin de réfléchir, on lui parle, on lui dit tout, c'est au bout. Oui, je fais ça. Ça finit toujours comme Johnstone avec Jim Jones. Le missionnaire finit toujours par souffrir et payer dur le fait qu'il a aidé pas l'homme, mais les dieux. D'où provient le goût de l'esthétique qui naît à moi et qui est de plus en plus fort, moi qui auparavant n'avais le goût de rien? Ajusteur de pensée, l'individu commence à s'abreuver au phénomène supramental. Et nécessairement, il commence à raisonner à l'onde de forme, donc son corps vital devient suffisamment subtil, vibratoire, pour commencer à se nourrir énergétiquement des ondes de forme. Et nécessairement, la nourriture, c'est-à-dire la forme émise, doit être dans une vibration particulière. L'individu commence donc à aimer l'esthétique des choses, à découvrir le phénomène de l'esthétique, et il va lentement changer son onde de forme. Il va lentement changer l'onde de forme où il vit. Ce qui fait que ça va permettre la réincarnation du monde de la mort de choses en affinité avec un nombre de formes plus esthétiques. L'esthétique est nécessairement un phénomène mental qui transparaît. Je ne parle pas d'une esthétique imbécile astrale. Moi, vraiment, comme j'ai été chez quelqu'un à un moment donné, il y avait un beau tapis blanc plastique par-dessus, un beau sofa vert plastique par-dessus. C'est là, c'est plus ça l'esthétique. Là, ça, c'est la maladie. Mais l'individu, nécessairement, l'homme nouveau, est un être extrêmement esthétique. Et l'esthétique est une question d'onde de forme. Ça va plaire à tout le monde. Esthétique standard? Est-ce que ça sera une esthétique? Non, il dort pas en tout avec l'esthétique. Non? Pas ça te réveille-tu? Standard pas? Tout fait partie de ce qu'il a besoin comme l'esthétique. Ça veut dire que son onde de forme sera esthétique. Mais pas esthétique dans le sens de la mode. Esthétique dans le sens de nourrir. Ça donne, ça passe ce qu'il veut passer comme message. Sa maison sera esthétique, l'extérieur de la maison sera bâti de façon esthétique, les villes seront esthétiques, ce qui n'est pas le cas quand on parle tout. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse les villes pratiques. Pourquoi? Parce que l'humain est tellement pas intelligent que si tu ne mets pas les rues comme ça, puis comme ça, il se perd. Tu as des quartiers esthétiques. Puis encore. Les gens ont perdu. Puis encore. Ouais. Bon. Il y a des villes sous-développées, c'est encore plus pratique, c'est que les rues sont de même, nord-sud, les avenues, c'est est-ouest. Quand on te donne une adresse sur une avenue, tu sais nécessairement qu'elle est implantée à souhait. Bon. Mais c'est ça. Ici, j'ai des questions. qu'on va conserver. Parce que ces centres de toi comme interviewé sont très plaisants. Hein, ça me plaît. Alors, tu vas les garder. Hein, okay. Et on va commencer la semaine prochaine avec ces questions-là. Okay. Peut-être finir sur l'autre. J'en ai quelques-unes ici. La valeur humaine n'est-elle qu'une convention comme la valeur du dollar ou la signalisation routière? La valeur humaine serait-elle nécessaire comme l'argent, mais sans existence réelle comme l'argent? Presque tant que c'est l'animal humain, c'est du point de vue de la race. Là, le moindre moment que l'humain devient intelligent, qu'il a un contact avec un agisseur de pensée, ça devient faux. Ça devient d'utilité, drôlement utile. Tu as glissé ces mots dans la conférence, le nazaréen dans son effusion. Effusion et expansion de l'univers, est-ce la même chose? C'est très similaire. La fusion est une désintégration, si l'on peut accepter le mot, d'un phénomène trop dense, trop puissant, qui se défait, qui se dilue à travers des contextes d'identification temporelle pour être supporté par les plans les plus évolués. On appelle ça une effusion et ça fait partie de l'expansion de notre univers. Ce qui m'intéresse, est-ce que le fait que nos enfants ont été adoptés change le karma qu'ils ont subi? Absolument pas. Énergétiquement, ils deviennent nos enfants. Qu'est-il advenu du groupe en vol? À quoi peut servir... Il a fait un centre de l'universalité. Il pense faire un projet off-site. À quoi peut servir la mort d'un nouveau-né pour l'enfant, pour les parents, pour l'astral? L'individu connaît la réponse. Lors de l'effusion, toutes les particules d'atomes qui ont éclaté se sont-elles rendues jusque la matière pour se faire humain? Sinon, que sont-elles devenues? Les particules subatomiques sont particules...